Monsieur Davin, pour ton parole, ça même c'est plus qu'un parabole. Thomas Zovin, très charmant, point pas de supposé s'il t'amusant. Quand je dis soi, il était très tapointé, chitant, tape, je quitte. Quand grand c'est un esprit d'auto, pour te savini contre Tommaso. Alors, il y a un bel tigoté, mais oui, monsieur, c'est Tommaso. Si on change la valeur, mais tout ça, il faut l'accepter. Moi pas vine faire vieillot, moi pas mon Tommaso. Monsieur Damien, pour ton parole, ça même c'est plus qu'un parabole. Tommaso vine très charmant, moi pas supposé si t'amusant. Quand je dis soi, il est très tapointé, chitant, tape, je quitte. Quand c'est un esprit d'auto, pour te s'habiller comme Tommaso. A la nouvelle, tu côté, mais oui, monsieur, c'est Tommaso. Si on change un bal, mais tout ça, j'en dis, il faut l'accepter. Moi, pas fin faire vieillot, moi, pas mon Tommaso, moi, pas le marié. Mais mon Tommaso. Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso, Tommaso. Tommaso.